Toute cette semaine, nous replongeons dans les archives de la méthode scientifique autour du thème 2020 et après. Quatrième temps de cette semaine, quel avenir pour la recherche française ? Interview de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, diffusée le 12 décembre dernier. La loi de programmation pluriannuelle de la recherche devrait être annoncée au mois de février prochain. Une loi qui a pour ambition d'inscrire la recherche française dans le temps long et de la structurer autour de plusieurs grands thèmes prioritaires. Elle intervient dans la seconde partie du mandat présidentiel et pour pouvoir la commenter, encore faut-il faire un état des lieux de ce qui a été accompli à mi-mandat par ce gouvernement. Un mandat peut-être sous le signe du darwinisme social voulu par le président du CNRS. C'est ce que nous allons voir avec la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal. Frédérique Vidal entretient à mi-mandat, c'est le programme Bilan et Perspective qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la recherche, dans la méthode scientifique. Et bonjour Frédérique Vidal. Bonjour. Mille merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission, donc Bilan et Perspective. Nous allons tâcher de tirer le bilan de votre action à la tête du ministère dans une première partie avant d'examiner cette fameuse loi de programmation et vos ambitions pour la seconde partie du quinquennat. Pour vous interroger, j'ai le plaisir d'être accompagné par Dominique Leglu. Bonjour. Bonjour. La directrice des rédactions de notre partenaire Chéri, le magazine Sciences et Avenir ainsi que du magazine La Recherche, et Sylvestre Huette, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste scientifique au journal Le Monde et membre de l'AJSPI, l'association des journalistes scientifiques de la presse d'information, mais on ne déroge pas à la règle. On commence cette émission par le tour de l'actualité scientifique du jour avec le journal des sciences et Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer ce journal, on va parler d'une étude qui vient de paraître dans la revue Nature Medicine. Nos corps vieillissent en 3 cycles distincts. Cela ne fait qu'une quinzaine d'années qu'on commence à comprendre les mécanismes du vieillissement cellulaire. Ici, c'est une vaste étude menée par les biologistes de l'université de Stanford en Californie. Ils ont analysé le plasma sanguin de plus de 4000 patients âgés de 18 à 95 ans. Ils ont comparé le protéome, c'est-à-dire les niveaux de 3000 protéines selon les âges. Des seuils clés apparaissent. Un premier à 34 ans, un autre à 60, puis à 78 ans. Des grappes de protéines évoluent selon des schémas distincts. Selon les auteurs, si l'on cible 373 protéines lors d'analyse sanguine, on pourrait définir avec précision l'âge d'une personne. Jean-Marc Lemaître est directeur de recherche INSERM et directeur adjoint de l'Institut de médecine régénératrice et biothérapie de Montpellier. Depuis pas mal de temps, beaucoup de laboratoires essaient d'évaluer l'âge biologique des individus. Alors ce papier rentre dans ce cadre-là, c'est-à-dire que ces personnes, Tony Viscoré, il a identifié des groupes effectivement de marqueurs spécifiques qui avaient des courbes qui n'étaient pas linéaires et puis qui s'échappaient de cette courbe linéaire globale et qui définissaient des sortes de nœuds de vieillissement au cours du temps. Il définit 3 nœuds dans le vieillissement en utilisant cette analyse de facteurs protéiques qui changent avec l'âge dans la circulation sanguine. Et ça permet d'avoir accès à un certain nombre de marqueurs intéressants pour peut-être dans le futur pouvoir prédire l'âge biologique des individus plus finement et surtout d'identifier ce qui pourrait définir un pronostic d'apparition de certaines pathologies qui sont liées à l'âge. Donc ça, c'est particulièrement important et l'étude manquait. Donc ça permet d'ouvrir un nouveau champ de recherche pour beaucoup de laboratoires qui travaillent dans le domaine, comme le mien, qui vont permettre d'aller se fixer sur aujourd'hui peut-être des tranches d'âge un petit peu différentes dans les analyses et raffiner un petit peu l'étude des marqueurs. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant pour toute la communauté scientifique. Et on passe au bref. Selon une étude parue hier dans Science Advances, la parole serait plus ancienne qu'on ne le pensait. Il s'agit de la parole, hein, pas du langage, c'est-à-dire de la capacité à produire des voyelles. La doxa, c'est qu'elle serait apparue il y a 200 000 ans, selon la théorie de la descente du larynx chez Homo sapiens. Sauf qu'un groupe de chercheurs franco-américains canadiens a mené de nouvelles analyses acoustiques des vocalisations des singes. Ils découvrent que les singes peuvent produire des proto-voyelles. La parole ne dépendrait donc pas d'une différence anatomique, mais du contrôle des articulateurs. Selon les auteurs, cette faculté serait apparue avec notre ancêtre commun avec le singe, il y a au moins 20 millions d'années. Dans PNAS, les chercheurs ont peut-être découvert pourquoi les femmes sont plus sensibles aux maladies auto-immunes que les hommes. Et les femmes ont généralement un système immunitaire plus fort, mais elles ont aussi 2 à 3 fois plus de risques que les hommes de développer une sclérose en plaques, et on ne comprend pas pourquoi. Les chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles ont mené une étude sur les chromosomes X des souris. On sait que les femelles ont 2 chromosomes X des 2 parents. Les doublons sont équilibrés par un mécanisme appelé inactivation du X, qui utilise la méthylation de l'ADN pour bloquer l'expression de certains gènes. Les chercheurs ont découvert qu'il y avait plus de méthylation sur les chromosomes X hérités du père que ceux provenant de la mère. Cela expliquerait un pourquoi l'activité immunitaire des femelles diffère des mâles. Selon cette étude, des régulateurs de méthylation pourraient être de nouvelles stratégies thérapeutiques. Et enfin, selon une prépublication sur le site Archive, les champs magnétiques jouent un rôle important dans la formation de galaxies spirales, comme notre Voie lactée. Une équipe de SOFIA, l'Observatoire stratosphérique pour l'astronomie infrarouge de la NASA, a examiné la galaxie lointaine M77. L'étude montre que des champs magnétiques suivent de près les bras en spirale de la galaxie et qu'ils s'étendent sur toute leur longueur, soit sur 24 000 années-lumière de diamètre. Ces observations confirment la théorie des ondes de densité, la théorie principale sur la formation de ces spirales. Cela implique que les forces gravitationnelles, qui ont créé cette forme en spirale de la galaxie, compressent aussi son champ magnétique. Merci beaucoup Natacha, on retrouve le prochain journal des sciences avec une partie du journal de l'ASF demain. Et puis toutes les études comme d'habitude que vous venez de citer sont disponibles sur le site de la méthode scientifique ainsi que sur notre fil Twitter @laméthodefc. Frédéric Midal est donc notre invité tout au long de cette heure pour tirer un bilan de votre action, Madame la Ministre, au gouvernement et pour évoquer les projets que vous avez pour la deuxième moitié du quinquennat et notamment le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche qui doit être présentée au mois de février prochain. On en parlera aux alentours de 16h30, 16h35. Mais évidemment, contexte social oblige, Madame la Ministre, un mot peut-être sur la réforme des retraites appliquée au personnel de recherche. Les syndicats sont inquiets de ce système à points et notamment de l'intégration des primes dans le calcul des pensions, puisque pour les chercheurs, ces primes sont dramatiquement faibles. Le niveau des primes, en tout cas, je cite les syndicats en l'occurrence, les retraités de ces professions seront paupérisés, ils n'auront pas d'autre choix que de continuer de travailler ou de recourir à la capitalisation. Un mot sur ces inquiétudes ? Alors effectivement, ces inquiétudes, elles auraient pu être justifiées si le Premier ministre et le Président de la République n'avaient pas indiqué que justement sur ces carrières particulières dans lesquelles les primes sont relativement faibles et où l'intégration des primes ne pourra pas compenser le fait que les carrières seront calculées sur l'ensemble du temps travaillé. C'est évidemment un sujet sur lequel nous sommes en train de travailler. C'est les annonces qu'a faites le Premier ministre hier notamment. Mais plus généralement, dans les carrières de la recherche, dans les carrières des chercheurs, des enseignants-chercheurs, la bonne nouvelle de cette réforme, qui a vraiment pour objectif de simplifier le système, c'est que toute période travaillée pourra permettre d'avoir une pension. Et c'est très important, d'autant plus dans le monde de la recherche, où les études sont longues, c'est-à-dire que très souvent on a été obligé de travailler pendant ses études, ça n'était absolument pas pris en compte, où les débuts de carrière sont relativement tardifs, hein, puisque la moyenne de recrutement, c'est à plus de 30 ans, ça dépend des disciplines, mais en moyenne c'est 32-33 ans. Ce qui signifie que, de toutes les façons, il fallait attendre 67 ans pour avoir ses droits pleins à la retraite. Qui est l'âge de départ pour les chercheurs ? Absolument, qui est l'âge le plus classique, on va dire, de départ, parce que au regard du recrutement qui se fait très tard, on était obligé d'attendre cet âge qui donnait les droits pleins à la retraite. retraite, ce sera 64 ans dans la future réforme. Donc, bien sûr, un travail de fond qui est mené sur cette question de prime. Un travail beaucoup plus général dans le cadre du monde de la recherche, avec justement la loi de programmation de la recherche, qui de toutes les façons doit permettre de revaloriser l'attractivité de l'ensemble des métiers de la recherche, pas seulement des chercheurs et des enseignants-chercheurs, mais de l'ensemble des métiers de la recherche. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, un chercheur qui est recruté avec donc au minimum un doctorat peut être recruté à 1,4 SMIC. Je pense qu'on peut considérer que ça fait partie des choses qui ne sont plus acceptables aujourd'hui. Deux choses peut-être sur ce sujet encore. Vous venez de nous dire que donc l'âge pivot sera donc le même pour tout le monde. Ça veut dire que pour les chercheurs, on va reculer l'âge de départ à la retraite pour avoir une pension pleine de 67 à 64 ans. C'est pas reculer, donc en l'occurrence, hein, puisque le principe, c'est qu'effectivement, 64 ans, ce sera l'âge de départ possible à taux plein. Donc on passe de 67 à 64 a priori pour les chercheurs. À partir du moment où, effectivement, la possibilité d'avoir accès à sa retraite à taux plein passera de 67 à 64. Et un tout dernier mot à ce sujet, notamment sur, vous l'avez évoqué, sur les débuts de carrière. Hein, on le sait, évidemment, des débuts de carrière tardifs, extrêmement discontinus, avec des périodes de chômage, avec des post-docs, des contrats précaires. Tout ça, ça va évidemment avoir une influence sur le niveau des pensions. C'est-à-dire que ça en a une actuellement, en réalité. Et dans le nouveau système, puisque chaque euro gagné donnera lieu à cotisation qui participera à la pension. De ce point de vue-là, c'est une avancée pour le monde de la recherche. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. 16h10 sur France Culture, nous recevons Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Première partie de cette émission donc consacrée au bilan de votre action dans cette première moitié de quinquennat. Votre gouvernement affiche une augmentation constante du budget du ministère, hein, plus 1,7 milliard entre 2017 et le projet de loi de financement 2020 qui porte le budget du ministère à 25,3 milliards d'euros, qui en fait le quatrième poste au niveau des budgets ministériels derrière l'éducation nationale, l'armée et la transition écologique. Et pourtant, malgré ces augmentations, l'objectif des 3% du PIB consacré à la recherche, 2% de privé et 1% de public, engagé au niveau européen, rappelons-le, avec les accords de Lisbonne en 2000, cet objectif n'est toujours pas atteint, contrairement à nos voisins allemands qui ont massivement investi dans la recherche et qui dépassent maintenant ce plafond des 3%. Peut-être un mot sur cette augmentation de budget. Ils sont passés où ces 1,7 milliard d'euros entre 2017 et aujourd'hui? Frédéric Vidal. Ah ben, ils sont passés dans les établissements, hein. Ça je vous assure que le principe du budget du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, c'est qu'il soit réparti au service de la formation, au service de la recherche, au service de la vie étudiante. Donc effectivement, c'est une augmentation qui est significative, c'est une augmentation qui montre la priorité du gouvernement, mais nous sommes tous conscients, et c'est ce que je porte depuis 2 ans et demi, que nous avons besoin d'un investissement massif dans la recherche. Parce que vous l'avez dit, un certain nombre de pays européens se sont conformés à ce qui avait été décidé en 2000, c'est-à-dire atteindre 3% du produit intérieur brut pour la recherche, qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée. Et nous en sommes loin. Aujourd'hui, nous sommes à peine à un petit peu plus de 2,2%. Et c'est pour ça que c'était très important que, lors du discours dans le cadre des 80 ans du CNRS, le président indique que l'objectif de cette loi de programmation était effectivement d'atteindre ces 3% et de l'atteindre dans le calendrier de la loi de programmation. C'est donc la première fois qu'on a une visibilité en termes de temps sur le moment où nous atteindrons enfin ces 3% du produit intérieur brut, qui est quelque chose d'attendu par le monde de la recherche depuis des années. Mais c'est-à-dire, puisque cette loi de programmation, alors j'aimerais qu'on commence par le bilan, on va en parler dans un deuxième temps, mais tout de même, puisque vous l'évoquez, Frédéric Vidal, cette loi de programmation, elle est censée prendre effet en 2022, c'est-à-dire à la fin du quinquennat, ça veut dire que ça repousse finalement l'atteinte des 3% à un prochain mandat présidentiel, au successeur, à quelqu'un qui peut décider finalement que ça ne sera plus une priorité. Non, pas du tout. La loi de programmation, d'abord, elle est prévue pour être discutée en tout début d'année 2020 et pour entrer en vigueur dès 2021. Le souhait du gouvernement, c'est qu'elle puisse être le plus possible alignée sur Horizon Europe, qui est le grand programme cadre de l'Union européenne en soutien à la recherche. Et le principe d'une loi pluriannuelle de la programmation, c'est que le volet financier est décliné et présent dans la loi. C'est la même chose qu'on a eu avec la loi de programmation militaire, ce qui donne une visibilité en termes d'investissement au monde de la recherche, chose que nous n'avions pas. Sylvestre Huette, sur ces questions budgétaires. Oui, je suis plongé dans quelques archives d'articles que j'ai écrits sur cette question ces 20 dernières années. En 1993, on était déjà à 2,38% du PIB en dépenses publiques et privées, donc au-dessus du niveau actuel. Et en fait, tous les présidents de la République depuis cette époque ont promis de tenir, à partir de l'an 2000, hein, en 1993, la promesse des 3%. Là, j'ai sous les yeux un article qui parle de la promesse de Sarkozy, mais François Hollande aussi l'avait promis dans sa campagne électorale. Ça n'a jamais été tenu. Et en réalité, entre 2000 et aujourd'hui, la France a glissé de la 5e position mondiale en part de publications scientifiques à la 8e. Dans les derniers chiffres de l'Observatoire des sciences et des techniques, on a même cette situation étrange où on voit les Italiens qui passent devant les Français avec des méthodes qu'on pourrait discuter. Ils ont obéi à leurs dirigeants politiques, ils ont saucissonné leurs papiers, ils ont publié des choses qui avaient probablement moins d'intérêt. Et c'est comme ça qu'ils ont augmenté de beaucoup leur nombre de papiers scientifiques. Mais quand j'entends cette promesse pour 2021, j'ai envie de demander, mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas déjà fait pour 2020? Le budget de 2020, vous-même le dites, il maintient l'effort. La conférence des présidents d'université a fait une déclaration qui disait que ce budget n'est pas à la hauteur des ambitions de la France. Elle a noté que on continue à diminuer la dépense par étudiant en 2020. On est au niveau le plus bas par rapport à 2008. Donc comment croire à une promesse qui commence par un mauvais budget pour 2020? Frédéric Vidal. Alors, d'abord, je pense que tout le monde aimerait avoir un mauvais budget comme celui du ministère. Je crois que c'est plus de 10% de l'augmentation du budget de l'État qui est porté par ce ministère. Et je crois que c'est avant tout une bonne nouvelle. La question de la dépense par étudiant, on peut rentrer sur des questions techniques. Elle n'inclut pas les presque 400 millions d'euros qui ont été alloués à la question de l'accueil des étudiants et à la question de la transformation du premier cycle universitaire dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir qui, comme vous le savez, ne sont pas des programmes budgétaires. Je suis entièrement d'accord avec vous. La promesse d'atteindre le 3% du PIB, c'est une promesse que le monde de la recherche entend depuis des années. La différence fondamentale, c'est que le président de la République n'a pas fait une promesse, il a annoncé une loi. Et qu'à partir du moment où une trajectoire budgétaire est inscrite dans une loi, on sort de la promesse et on passe à la réalisation. Et je crois que c'est la différence fondamentale. Et c'était très important que nous puissions faire ce travail qui a été accompli durant toute l'année 2019 avec l'ensemble des chercheurs, des enseignants-chercheurs, l'ensemble des métiers de la recherche, pour que l'on prépare une loi de programmation, j'ai envie de dire, qui réponde aux véritables préoccupations du monde de la recherche et qui ne soit pas une loi cadre de plus ou une stratégie nationale de plus. Je vais reformuler peut-être la question de Sylvestre d'une autre façon. Frédéric Vidal, effectivement, c'est inscrit dans une loi qui arrive en fin de mandat. Et une fois de plus, qu'est-ce qui empêche le prochain gouvernement de défaire cette loi et finalement de repousser au calendrier grec ou d'en faire finalement ce qu'il voudra? Ça arrive tardivement. Elle sera votée en 2020, elle prendra effet en 2021, c'est-à-dire pas complètement à la fin du mandat, qui est censé se terminer plutôt en mi-2022, enfin en tout cas d'après mes informations. Mais ce qui me paraît important et la différence fondamentale, c'est que je ne connais personne qui en réalité conteste le fait qu'il faille investir dans la recherche. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, ça a été rappelé par M. Huette, a été annoncé par, on va dire, tous les partis politiques. Ce qu'il fallait faire, c'était être capable de convaincre l'ensemble des acteurs, et de porter cette loi de programmation de la recherche. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Et je crois que c'est ça la différence fondamentale. Qui va défaire une loi de programmation de la recherche alors qu'on sait à quel point la recherche est juste essentielle pour un pays? Ou alors on peut imaginer que ce sera fait en un an, de 2021 à 2022, hop, on mettra le budget suffisant pour passer de 0,8 à 1% de la recherche publique au moins. Vous savez, moi j'ai une espèce de constante, je crois, dans ce que je fais, qui est que d'abord j'essaye vraiment au maximum de faire ce que j'annonce, ça c'est la première chose, et donc par définition je n'annonce pas des choses qui sont infaisables. Donc voilà. Dominique Leglu. Madame la ministre, vous avez parlé de la préoccupation du monde de la recherche. Et là, on vient de parler du combien. Et moi, ce que j'aimerais entendre, c'est le comment. Parce que ce que j'entends ou ce que je crois entendre de façon subliminale, c'est la peur d'un certain nombre de très grands chercheurs, d'excellents chercheurs, citons même des prix Nobel comme Serge Haroche, que soit abandonné ou que soit maltraité ce qu'il appelle, il le rappelait lors d'un colloque au Collège de France en octobre, la recherche inutile. Effectivement, le mot inutile, c'est de la provoque. Bien sûr. Cet inutile, il dure un an, il dure cinq ans, il dure parfois un siècle, mais ensuite il débouche sur ce qui est une part de votre ministère, autrement dit, l'innovation. Et ce que j'entends, c'est combien faudrait-il donner à cette recherche inutile versus la recherche immédiatement utile ou presque immédiatement utile qui peut être en quelque sorte écrémée pour donner des start-up, de nouvelles entreprises ou aider, entre guillemets, nos très grandes entreprises. Donc comment faites-vous la part des choses? Comment? Comment? Frédéric Vidal, comment? Alors d'abord, vraiment, je pense que enfin, toutes les personnes qui m'ont déjà entendu parler à ce sujet le savent, vous prêchez une convaincue. L'objectif premier de la recherche, c'est de produire de la connaissance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Cette connaissance, forcément, elle est utile. Elle est utile parce qu'elle augmente notre niveau de compréhension sur tous les sujets. Et donc, ne serait-ce que pour cela, cette connaissance est par définition quelque chose d'utile. Que l'on est aujourd'hui sur les étagères, si je puis dire, de cette connaissance produite de manière internationale, des choses qui peuvent être utilisées au service direct de la société ou utilisé dans le monde industriel, bien sûr, et c'est ce qu'on appelle l'innovation. L'innovation naît de la connaissance qui a été accumulée. Que cette connaissance, elle date d'il y a 3 jours ou qu'elle date d'il y a 30 ans, peu importe, elle a été accumulée. Et c'est ce qu'on appelle la sérendipité dans la recherche. Aujourd'hui, 100% des analyses génétiques sont faites sur la base d'une enzyme qui a été découverte parce qu'un jour quelqu'un s'est demandé si oui ou non il pouvait y avoir des organismes vivants dans les geysers. Vous voyez bien que ça n'a strictement rien à voir avec la génétique. Et c'est ça qui fait toute la force de la recherche. Donc bien sûr, il faut financer la recherche qu'on appelle la recherche de base, enfin, peu importe le nom qu'on lui donne. Vous n'allez pas vous faire des amis si vous appelez la recherche fondamentale la recherche de base? Non, pas du tout. Je maintiens. C'est vraiment la recherche. C'est la recherche de base, vraiment. On peut l'appeler fondamentale, on peut l'appeler comme on veut. Enfin, en tout cas, je pense que tout le monde comprend ça. Peut-on chiffrer ce socle indispensable? J'ai l'impression que depuis des années, on se pose cette question. CNRS, INSERM, INRIA font de la recherche fondamentale. Les universités aussi, oui. Et les universités aussi. Mais alors là, je ne sais pas si je vais citer ce que nous a dit le président actuel quand il est venu nous voir à Sciences et Avenir. Je vous en prie, au contraire. Oui, mais c'était très désagréable. Gros travail à faire dans les universités qui ont une haine absolue de toute forme de valorisation. Est-ce vrai? Ça a été vrai. Je pense que ça a déjà changé? Oui, je pense que les choses changent, bien sûr. Ne serait-ce qu'avec les programmes entrepreneuriat étudiants qui ont été lancés dans toutes les universités, les programmes PEPIT qui ont été lancés sous le précédent gouvernement et qui sont encore soutenus aujourd'hui. Je crois que il faut bien comprendre que ce qui est important pour le chercheur, c'est d'avoir cette liberté de chercher à produire de la connaissance. Mais il ne faut pas opposer cela au fait que cette connaissance puisse un jour se transformer en progrès ou en objet ou en quelque chose d'utile. Pour moi, il y a strictement aucune contradiction là-dedans. Mais ce qui est important, et le rôle de l'État, c'est de financer cette recherche, alors de base, académique, libre, fondamentale, appelez-la comme vous voulez, parce que c'est une vraie prise de risque. Et c'est ça l'investissement dans l'avenir, c'est la confiance dans la recherche. Ensuite, lorsque l'on est près du marché, si je puis dire, c'est à ce moment-là que les entreprises, les investisseurs privés prennent leur part de risque. Et c'est comme cela que se construit ce que l'on appelle l'investissement dans la recherche, ces fameux 3% du PIB. Il ne faut jamais oublier que c'est 1% en soutien, en investissement à la recherche publique et 2% dans le privé. Lié au privé. Sylvestre, vous avez une question. Oui, ce qui est assez étonnant, c'est la contradiction qu'il y a entre le discours de Madame la Ministre, ce soutien à la recherche de base, etc., et puis les réalités. La recherche est d'abord une affaire de cerveau. Qu'observe-t-on ? Eh bien que le CNRS a perdu 10% de ses effectifs en une dizaine d'années. Vous dites à l'université on fait de la recherche, oui, mais il y a moins d'inscrits en doctorat aujourd'hui qu'il y a une petite dizaine d'années. On perd. Les chercheurs que je rencontre dans leur laboratoire n'ont de cesse de relater les difficultés qu'ils ont à simplement faire fonctionner avec des dotations de base qui sont devenues qui sont passées en dessous du minimum pour faire simplement la vie quotidienne des laboratoires. On peut pas faire de recherche sans cerveau, et on a parlé des chercheurs du CNRS, des ingénieurs, des techniciens du CNRS qui sont moins nombreux qu'avant, donc ils peuvent pas faire plus de recherches, ça ce n'est pas possible. Votre Mais question, on a exactement le même nombre de maîtres de conférences et de professeurs d'université qu'il y a 4 ans. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que vous allez vraiment augmenter le nombre de postes dans la recherche publique et combien allez-vous recruter de maîtres de conférences et d'universitaires pour aller au 1%? Il faudrait en recruter des dizaines de milliers. Je me rappelle qu'à l'époque où Philippe Bustien, le commissaire à la recherche, qui avait lancé les 3%, il avait fait un calcul au niveau européen. Il avait dit, c'est pas compliqué, ce qu'on a dit avec les 3%, ça veut dire 200 000 chercheurs dans le public en plus en Europe. La France, c'est 20% de l'Europe, ça en fait 40 000. Alors non seulement depuis que vous êtes au ministère, vous n'avez pas augmenté les effectifs de la recherche publique, vous les avez diminués, et là vous ne dites aucun chiffre sur combien va embaucher de chercheurs, de techniciens, d'ingénieurs dans les laboratoires pour augmenter l'effort de recherche. Frédéric Vidal, des projets de recrutement, je rebondis sur ce que vient de dire Sylvestre, puisque vous parliez ici même en avril 2018 à ce micro de votre plan pour les doctorats, pour revaloriser le doctorat. Vous parliez de l'embauche de 300 doctorants en 2 ans. Est-ce que vous prévoyez effectivement un volet d'embauche dans cette future loi et puis dans le futur en règle générale? Ça a été fait, oui, 200 doctorants de plus en 2019. Il y en aura 100 supplémentaires à la rentrée 2020. Mais je crois une fois de plus qu'il faut bien comprendre que ce constat que vous faites, évidemment, un constat que je faisais bien avant d'être ministre en réalité, que j'ai toujours fait. Et c'est bien pour ça que quand je dis que c'est important que l'on soit capable de réinvestir massivement dans la recherche. Je parle de plusieurs milliards d'euros. Hein. On est sur cette ordre de grandeur. Quand on dit qu'on passe de 2,2% du PIB à 3% du PIB, l'ordre de grandeur, c'est bien celui-là. Et donc, quand on dit de 0,8% à 1% pour la recherche publique, si on veut être honnête. Absolument, mais ça se chiffre. Donc c'est 0,2% du PIB, mais ça se chiffre en milliards tout à fait. Ça se chiffre néanmoins en milliards. Et évidemment, c'est pour avoir plus d'attractivité, avoir plus de recherche, faire en sorte que on n'ait pas un nombre beaucoup trop considérable de doctorants sans financement. C'est effectivement pour tout ce que vous venez de citer que nous avons besoin de cet investissement massif. Et donc un plan d'embauche prévu, justement, chiffré? Alors, évidemment, c'est ce qu'on est en train de discuter, notamment avec l'ensemble des organisations syndicales, parce qu'une loi, ça ne se construit pas seulement dans les bureaux du ministère avec les administrations et les techniciens, ça se construit aussi dans le dialogue. Donc oui, absolument, une capacité à pouvoir augmenter le nombre d'emplois scientifiques au sens large, parce que vous avez raison de le dire, on se focalise beaucoup sur les chercheurs, les enseignants-chercheurs. Il y a aussi un vrai sujet qui est les personnels d'accompagnement de la recherche qui sont essentiels. Il faut qu'on redonne du temps de recherche aux chercheurs. Il faut qu'on les soulage d'un certain nombre de choses. Les ingénieurs, les personnels techniques également. Il faut qu'on simplifie drastiquement les administrations. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand vous êtes dans un laboratoire de recherche qui a 3 tutelles, vous avez 3 logiciels de gestion des financements. Si vous avez un financement européen, c'est encore un 4e mode de gestion des financements. Et si vous avez une NR, ça peut être encore un autre mode. Je pense que parmi les choses qui sont remontées de la base, puisqu'une fois de plus, on a ouvert une consultation publique, on a eu des remontées, j'ai fait des dizaines d'assemblées générales, je discute en permanence avec tous les chercheurs et tous les professeurs dans les universités. On a aussi besoin de simplifier drastiquement les formalités administratives. Et ça aussi, ça fait partie des choses que le président de la République a entendues, puisqu'il reçoit très régulièrement des chercheurs, il échange avec eux, et il entend ce besoin de retrouver de la visibilité, du temps, du financement, et de la liberté de faire de la recherche plutôt que de remplir des papiers. Pour continuer sur ce bilan, je vais vous demander une réponse assez rapide à ce sujet. Vous aviez évoqué également ici au mois d'avril 2018 la volonté de repenser le crédit impôt recherche. Ce crédit impôt recherche, il est toujours sujet à de nombreuses critiques. On estime en gros qu'il va dans les poches maintenant des grandes entreprises, qu'il a été dévoyé, qu'il ne sert à rien, que c'est de la recherche qui n'est pas maîtrisée, que ça n'aboutit à aucune publication, à aucun dépôt de brevets, et que ce sont 5 milliards d'euros qui disparaissent pour rien. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez fait quelque chose? Est-ce que vous comptez faire quelque chose pour ce CIR, Frédéric Vidal? Alors absolument, l'objectif, c'est que d'abord je peux entendre beaucoup de choses sur le CIR, mais qu'il n'y ait pas d'évaluation. Je demande un petit peu de respect pour les dizaines de personnes qui, au sein du ministère, travaillent sur ce sujet du crédit impôt recherche. On ne dit pas d'évaluation, on ne dit pas de résultats scientifiques probants. Bien sûr, ces personnes-là sont là aussi pour vérifier quels sont les impacts de cet investissement dans le crédit impôt recherche. Et effectivement, la difficulté se concentrait sur les petites entreprises pour lesquelles les processus étaient extrêmement complexes. Et donc l'objectif, ça a été de faire en sorte que ça devienne plus facile pour ces entreprises. Et d'ailleurs, je vois de plus en plus de PME, de PMI, qui recrutent des docteurs. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. J'ai fait en sorte que le doctorat soit inscrit au registre national des compétences, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire qu'on estimait que le doctorat n'apportait aucune compétence dans notre pays, ce qui est quand même juste incroyable. Donc le doctorat est maintenant inscrit au répertoire national des compétences. Ça permet aux PME, aux PMI, aux entreprises de savoir quelles compétences ont les docteurs et de recruter des docteurs. Et c'est ça aussi qui fait, je crois, la transformation et le fait que ce qu'on apprend lorsque l'on est doctorant dans un laboratoire, peut aussi infuser, si je puis dire, dans la façon dont les PME, les PMI, les entreprises, les grands groupes comprennent ce qu'est la recherche. Dominique Leglu. Pour poursuivre sur la question des doctorants, je citerai juste une phrase du livre « L'archipel français » de Jérôme Fourquet qui rappelle que chez les expatriés, 12% ont un doctorat. Énormément d'expatriés sont très diplômés. Et par ailleurs, la dernière enquête qui date de 2017 des ingénieurs et scientifiques français montre que 16% des ingénieurs français sont à l'étranger, 2 fois plus que pendant l'an 2000. Bon, alors peut-être sont-ils dans des entreprises françaises, mais je voudrais rappeler quelque chose qui pour moi me frappe par rapport à des décennies antérieures comme celle que citait tout à l'heure mon collègue Sylvestre Huet, c'est que les temps ont changé. Les temps ont changé. Et quand vous parlez, Madame la Ministre, d'attractivité, que voit-on, et qui peut être un souci pour des directeurs et directrices de labo, c'est qu'actuellement, vous avez des très grandes entreprises. Pour ne pas les nommer, vous avez Facebook, vous avez Google, vous avez Microsoft sur notre territoire et bien d'autres qui puisent dans notre vivier de docteurs trop contents de voir leur salaire doublé, triplé, parfois multiplié par 10. Comment fait-on pour lutter avec ça? Surtout que j'ai l'impression que ça tape au cœur. Pourquoi? Parce qu'on cherche des mathématiciens, on cherche des physiciens des particules, des gens qui, jadis, allaient forcément vers de la recherche la plus fondamentale, sauf à partir dans la banque, par exemple. Frédéric Vidal, comment faire pour résister, pour continuer à embaucher, à garder dans la recherche académique, dans la recherche fondamentale, des chercheurs qui peuvent être par ailleurs attirés effectivement par de grands groupes privés qui proposent des conditions autrement meilleures que celles que peut proposer la France? Alors en fait, il y a vraiment plusieurs questions dans votre question, donc je vais essayer d'y répondre de façon séquentielle. Les expatriés ont très souvent des doctorats, oui, c'est vrai. Mais c'est aussi parce que le doctorat est très peu reconnu en France, à part dans le milieu académique. Donc ça, c'est voilà, ça explique aussi que des jeunes titulaires d'un doctorat, s'expatrient, parce que n'importe où dans le monde, avoir un doctorat, ça a une signification que ça n'avait pas en France, et j'espère que ça va commencer à avoir la même signification en France que dans le reste du monde. Sur la question des ingénieurs, de très nombreux ingénieurs ont pour projet professionnel d'avoir une carrière à l'international, et donc c'est normal qu'ils puissent aussi avoir cette carrière à l'international. Et pour en revenir à votre dernière question, qui est la question du salaire. La concurrence avec les grands groupes. Hein. Absolument. Qui a été abordée par une question, notamment une question de salaire. Pas seulement salaire, c'est qu'on peut y faire de la recherche de pointe, de la recherche intéressante, de la recherche fondamentale. De salaire et de moyens de recherche, en fait, voilà, disons. Absolument. Donc, on est bien en train de parler de salaire et de moyens de recherche. Donc, c'est la première chose qui est importante, c'est-à-dire que nous avons besoin d'environner les jeunes chercheurs qui sont recrutés, ce qui n'est pas le cas actuellement. Aujourd'hui, vous pouvez passer un concours, vous pouvez être recruté sur un programme de recherche que vous avez présenté, défendu, soutenu dans un modèle très compétitif qui est celui du concours. Et puis au final, vous n'avez pas les moyens de développer votre programme de recherche. Donc là, évidemment, on a un premier sujet, et ça n'est pas le cas dans certaines des entreprises que vous citez en tout cas. Mais ce qui est important dans la recherche, en réalité, c'est aussi la stimulation intellectuelle, l'environnement des autres chercheurs, des autres disciplines, le fait que l'on puisse échanger sur ces sujets-là. Les étudiants, c'est une source incroyable qui nourrit aussi la recherche, parce qu'ils questionnent, donc forcément. Donc, évidemment, la question du salaire, c'est une question qui rentre en ligne de compte. C'est pour ça qu'il faut qu'on travaille sur la revalorisation, y compris du salaire. Mais au-delà de ça, je crois qu'il faut aussi qu'on travaille à redonner confiance dans la recherche de la part de l'ensemble de la société. Vous savez, une des choses qui est extrêmement difficile, c'est que on fait jamais de la recherche dans le monde académique pour le salaire. Néanmoins, au bout d'un moment, c'est tout de même un élément important, Frédéric Vidal. Un élément d'attraction. C'est rarement la première chose qui amène à vouloir travailler dans la recherche académique. La première chose est rarement le salaire. Néanmoins, est arrivé aujourd'hui à un niveau de salaire qui fait que des jeunes qui sont recrutés comme chargés de recherche ou comme maîtres de conférences n'ont parfois pas les moyens de s'installer dans la ville où se trouve le laboratoire où ils ont été recrutés. Donc il faut absolument travailler à revaloriser les salaires, ça c'est vraiment un impératif. Mais ce que je veux dire, c'est que... Vous n'avez pas fait. Mais parce que ce qui est important, c'est qu'on ait été capable de préparer ces revalorisations. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Enfin, une fois de plus, on n'a pas besoin, pour faire ce que je souhaite faire, d'une discussion budgétaire annuelle. On a besoin d'une vraie projection dans le temps, on a besoin d'en faire un projet politique. Augmenter les salaires des maîtres de conférence. Absolument. Une projection dans le temps. Absolument. C'est quand même étrange. Non, c'est pas étrange du tout, parce qu'il faut un véritable investissement dans la recherche. Il faut qu'on arrête de considérer que la recherche est un coût. C'est ça que je porte depuis 2 ans et demi. Demandé au président et qu'il n'a pas voulu? Pas du tout. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut que la société, dans son ensemble, accepte que ces impôts financent de la recherche. Et pour cela... J'ai vu une manifestation contre ça, moi. Pour cela, il faut que la société, dans son ensemble, retrouve confiance dans le monde de la recherche. Regardez sur les questions d'intelligence artificielle, à quel point on est sur une ligne de crête, avec des gens qui se demandent si ça apporte quelque chose ou pas. Regardez à quel point, dans la société aujourd'hui, les opinions de quelques-uns, qui vont contre des vérités, ou en tout cas des vérités au moment où on se parle, scientifiques, peuvent prendre la main. Je crois qu'il faut remettre vraiment la recherche et la production de connaissances au cœur d'un projet de société. Et c'est ça la priorité. Et c'est comme ça que, ensuite, l'ensemble de la nation dira oui, nous sommes d'accord pour que les impôts que nous payons permettent cela. Donc si Emmanuel Macron n'a pas augmenté les chercheurs, les maîtres de conférences, c'est parce qu'il avait peur d'avoir des manifestations de citoyens contribuables en colère contre ça. Ne soyez pas caricatural de ce point de vue-là. Vous savez bien, je pense, comment se construit le budget de l'État. Vous savez bien qu'il y a à chaque fois un certain nombre de priorités et d'arbitrages. Le budget de l'enseignement supérieur, comme le budget de l'éducation nationale, sont des budgets qui ont augmenté dans le contexte extrêmement difficile de la construction du budget de l'État. Et maintenant, c'est un engagement politique fort de faire de la recherche une priorité politique de ce gouvernement. Mais c'est vrai, pour reprendre ce que vient de dire Sylvestre Huette, que corréler l'adhésion des citoyens à la démarche scientifique, à l'augmentation des salaires du personnel chercheur, c'est un peu curieux. J'ai pas fait cette corrélation, ou alors, excusez-moi, j'ai été très mal comprise. Je disais que les scientifiques ont aussi besoin de sentir que les gens sont derrière eux et font plus confiance à la science, à la méthodologie scientifique, croient plus les faits démontrés que les opinions. Ça, c'est ce que je disais. Et je disais que cette confiance, c'est en tout cas une part importante aussi de l'attractivité, que ça n'est pas seulement le salaire. Donc voilà, si je défait le raccourci, si je l'ai fait, veuillez m'en excuser. Dominique Leglu. Oui, une remarque après ce que vous venez de dire, Madame la Ministre. De facto, ou après sondage, ce que nous constatons, nous, journalistes, quand nous les consultons, c'est qu'en fait, il y a une grande confiance dans les scientifiques. Quand vous faites des mesures, les scientifiques arrivent tout à fait en haut de l'échelle. Malheureusement, pour nous, par exemple, les journalistes, on est plutôt vers le bas. Comme les politiques, soit dit en passant. Et les politiques aussi. Le milieu médical est un peu intermédiaire, parce qu'on ne lui fait pas toujours confiance. Alors donc, je pense, j'ai cette impression, qu'ils ont une bonne image quand même. Ce qu'il y a, c'est que, vous le savez bien, dès que vous faites une enquête sociologique, quand vous parlez de science, qu'entend-on ? Santé. Et aussi, observation du cosmos. Ce sont les deux choses. Santé, vous savez bien, il y a eu un sondage très récent, et le président en a même parlé, c'est une des grandes priorités de notre population. Alors donc, si vous augmentez la recherche et que vous dites, ça va aider l'Institut Pasteur, Gustave Roussy, plus toutes les universités qui travaillent sur les vaccins, qui travaillent sur le cancer, sur les maladies cardiovasculaires, vous allez faire un tabac. Frédéric Vidal. Bien sûr, sauf qu'on oubliera quand même, je ne sais pas, je ne peux pas citer un pourcentage, mais enfin, on va quand même juste oublier 95% de ce qu'est la science. Et vous avez tout à fait raison de le dire, et c'est comprendre... C'est pas moi qui le dis, c'est nos amis sociologues. Absolument, mais comprendre ce qu'est une démarche scientifique. Comprendre pourquoi c'est important de générer de la connaissance. Dans la population générale, effectivement, on va avoir la santé, vous avez raison, la recherche en santé. Puis on va avoir l'espace, parce que là, on est sur quelque chose qui fait rêver et qui est capable de porter ça. Mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'on investisse dans toute la recherche. Toute la recherche. C'est-à-dire que je ne veux pas... Vous ne faites pas de secteur préférentiel, donc. Alors, je souhaite que ce qui soit valorisé et ce qui soit compris et ce qui soit porté par notre société, c'est l'importance de la connaissance. Parce que quand on comprend les choses, quand on sait les choses, on est aussi beaucoup mieux préparé. Beaucoup mieux préparé à comprendre le monde dans lequel on est. Et donc on a besoin de toutes les sciences humaines, les sciences sociales, les sciences exactes, inexactes, inhumaines. Appelez-les là encore comme vous voulez. On a besoin de tout ça. Et dans l'opinion publique, vous avez raison de le dire, quand on vous demande « Avez-vous confiance dans les scientifiques ?» La réponse est plutôt oui. Et quelles sont vos recherches favorites, si je puis dire ? C'est santé et espace qui ressortent. Mais là encore, dans les défis globaux qui sont devant nous, les immenses défis qu'on parle du changement climatique, de la transition écologique, quels que soient les défis dont on parle, on a besoin de connaissances dans toutes les disciplines. Donc, ce que je souhaite porter, c'est bien l'ensemble de la recherche, l'ensemble de la science, l'ensemble de la connaissance. Et là encore, on peut pas dire à la fin, on peut pas dire à la fois, je ne veux que de la recherche en santé, parce que je vais reprendre l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. La personne qui s'est posée comme question, y a-t-il de la vie dans les geysers ? Elle ne pensait absolument pas qu'un jour sa découverte aurait un impact quelconque sur des questions de santé. Et pourtant, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça la science, c'est ça la connaissance, c'est ça que je porte, c'est là-dedans que je veux qu'on investisse. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h45, nous poursuivons cet entretien avec Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Un mot pour se projeter un petit peu dans le futur, dans cette fameuse loi de programmation. Il va falloir d'ailleurs que vous nous expliquiez comment ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire la volonté de financer toute la recherche, peut s'accorder avec une loi de programmation qui que l'on entend comme étant donnée précisément un certain nombre de priorités de diriger cette recherche. Un mot peut-être tout de même, Frédérique Vidal, parce que ça a suscité beaucoup d'émotions chez les chercheurs. À propos de l'interview d'Antoine Petit, je l'évoquais au tout début de cette émission, Antoine Petit qui parle de cette loi comme une loi qui doit être à la hauteur des enjeux de notre pays. Il faut une loi ambitieuse et inégalitaire, oui inégalitaire, une loi vertueuse et darwinienne qui encourage les scientifiques, équipes, laboratoires, établissements les plus performants à l'échelle internationale. C'était un mot maladroit ou est-ce que c'est une vision que vous soutenez, Frédérique Vidal ? Alors, d'abord, je ne vais pas commenter la façon dont le président du CNRS s'exprime, mais ceux qui le connaissent, je pense, connaissent aussi son humour. Sur la façon dont on a... Alors d'abord, sur la première partie de votre question, une loi de programmation de la recherche, pour qu'on soit bien clair, hein, loi de programmation signifie une loi qui programme les financements, et pas du tout une loi qui prévoit les programmes de recherche. Donc c'est pas du tout une loi sectorielle, c'est une loi de programmation dans le sens où la programmation financière qui accompagne la loi est prévue dans la loi. C'est pour ça que ça s'appelle loi de programmation, c'est pas une loi programmative si je puis dire, hein. Donc qu'on soit bien clair là-dessus. Moi, une fois de plus, je connais très bien la communauté scientifique et je connais surtout les différences fondamentales en termes de besoins des différentes disciplines en termes de recherche. Voilà, je sais que pour certaines disciplines, moins de 500 000 euros pour conduire un projet de recherche, ça n'a pas de sens. Pour certaines disciplines, travailler autrement que dans des laboratoires avec des infrastructures très lourdes, ça n'a pas de sens. Je sais que pour certaines disciplines, le travail est beaucoup plus individuel et on a besoin peut-être de moins d'argent, mais d'avoir une visibilité plus sur le long terme. Donc, évidemment, il faudra que ce soit une loi qui permette de reconnaître, une fois de plus, tous les types de disciplines. Et je crois que c'est effectivement arrêter de penser que parce qu'on va fixer un volume de financement comme étant le volume parfait, par exemple, pour les financements de l'ANR, c'est-à-dire en ayant un traitement égalitaire, quelles que soient les disciplines, on va répondre aux vrais besoins des chercheurs qui sont extrêmement différenciés. Mais tout de même, ce qu'on entend dans cette interview d'Antoine Petit, ça n'est pas qu'Antoine Petit qui dit ça, on l'a entendu dans la bouche du président, c'est-à-dire l'idée d'une recherche de base contre une recherche d'élite qui gagnerait plus de financement, qu'il faudrait évaluer et qu'on rémunérerait, ou en tout cas qu'on accompagnerait financièrement un peu plus. Et Frédérique Vidal, vous-même, vous disiez quelque chose d'assez similaire à ce micro il y a un an et demi. Écoutez. On a des défis face à nous. Et pour répondre à ces défis... ce sera plus jamais, à mon sens, une seule discipline qui pourra y répondre. Il faudra qu'on convoque autour de ces défis le meilleur de plusieurs disciplines. Et donc, évidemment, c'est très important que la recherche de base continue à se développer, j'allais dire, sans ligne directrice. Parce que, bien sûr, moi, je racontais en permanence à mes étudiants que si on n'avait pas autorisé un chercheur à se demander s'il y avait des êtres vivants dans les sources d'eau chaude, on n'aurait aucune analyse génétique aujourd'hui. Donc, bien sûr qu'il faut garder cette recherche qu'on appelle de base ou académique ou voilà. Mais pour répondre aux défis fondamentaux, mais pour répondre aux défis qui sont face à nous, hein, on a besoin de convoquer le meilleur de chaque discipline. Voilà, les geysers, on aura compris que c'était un exemple qui vous tient. Je le disais vraiment tous les ans à mes étudiants de première année, donc vous voyez. Néanmoins, on aura besoin de convoquer les meilleurs. Vous dites finalement la même chose qu'Antoine Petit, c'est-à-dire qu'on a besoin à un moment donné d'évaluer la recherche et de financer une recherche qui serait une recherche d'élite par rapport à la recherche du tout venant. Alors, je ne sais pas dans quel... Ok, je vais expliquer ce que j'entends par là. On parle beaucoup de pluridisciplinarité. Moi, je suis convaincue qu'il faut beaucoup de temps pour devenir un spécialiste de sa discipline. Et c'est-à-dire que je pense qu'on peut éventuellement maîtriser deux disciplines, mais à ce moment-là, il faut vraiment qu'on ait consacré énormément de temps à chacune de ces disciplines. Donc quand je dis il faut convoquer le meilleur de chaque discipline, autour des défis, je persiste et je signe, on a besoin que chaque discipline s'enracine dans les connaissances produites par ces disciplines-là, mais on a besoin que les chercheurs de différentes disciplines se parlent pour répondre aux défis. Et pour répondre à ces défis, on a une façon de faire que j'utilise depuis maintenant 2 ans et demi, qui sont ces programmes prioritaires de recherche, où on dit, voilà, on a besoin de faire un focus sur, par exemple, comment est-ce que l'on produit et comment est-ce que l'on cultive autrement. Parce que moi, je veux bien qu'on dise il faut sortir du glyphosate, et c'est une nécessité. Mais enfin, si personne ne se penche sur la question... Ou des pesticides en général, par ailleurs. Mais enfin, à un moment, c'est bien qu'on mette autour de la table tous les gens qui, d'une façon ou d'une autre, sont capables d'apporter la connaissance qui, combinée, permettra de trouver des solutions. Et d'ailleurs, qu'on le fasse aussi avec les agriculteurs, parce que ça va pas se faire si on n'a pas réussi à convaincre les agriculteurs. Donc, je n'ai absolument pas changé d'avis. C'est bien le meilleur de chaque discipline. Et pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que là aussi, enfin, le monde de la recherche, une fois de plus, je le connais assez bien. On a des effets de mode dans la recherche. On le sait très bien. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on soutienne la meilleure recherche. Dans tous les cas, je pense que c'est ce que tout le monde veut faire, la meilleure recherche. Et non pas que l'on cède à des effets de mode. Donc, une fois de plus, il faut financer le meilleur de chaque discipline. Sylvestre Huette. Oui, peut-être il faut dépasser les formulations trop vagues. Financer le meilleur de la recherche, évidemment, qui va être contre? Ben voilà. Le problème, c'est que quand vous diminuez les effectifs du CNRS, ça veut dire que vous avez éliminé des recherches. Quand vous maintenez le niveau... des enseignants-chercheurs, et en leur demandant de faire plus pour l'enseignement, ça veut dire que vous diminuez l'effort de recherche des universités. Donc en réalité, quand Antoine Petit parle d'une loi darwinienne, il n'est pas du tout en train de dire qu'on va donner beaucoup d'argent aux meilleurs. Il est en train de dire qu'on va en donner moins aux autres. Et d'ailleurs, c'est ce que vous faites depuis 3 ans, puisque votre budget n'a pas augmenté correctement, comme le demandaient les scientifiques, et comme d'ailleurs Macron l'avait promis dans sa campagne électorale. C'est pour ça que le discours d'Antoine Petit a été très très mal pris dans la communauté scientifique, et qu'il y a en ce moment une floraison de prise de position extrêmement virulente. Il a reçu ce matin dans sa boîte à lettres électronique une lettre qui est signée de la présidente du conseil scientifique du CNRS, de tous les présidents et présidentes des conseils scientifiques des instituts, de tous les présidents et présidentes des sections du comité national, qui lui disent non, le CNRS n'a pas besoin de davantage de compétition. On a déjà des concours, on a 50 candidatures pour un poste. Ce qu'il faut, c'est soutenir les collectifs. Il y a une pétition qui a été lancée contre ce discours qui a déjà recueilli près de 10 000 signatures et un grand nombre de sociétés savantes en France. En réalité, le vrai problème, c'est que vous promettez beaucoup plus d'argent que ce que vous avez donné depuis 3 ans. Sauf que depuis 3 ans, comme il n'y a pas eu assez d'argent, on a éliminé des recherches, on a diminué l'effort de recherche français, puisqu'on a diminué le nombre de chercheurs qui travaillent, par exemple, au CNRS. Votre question, Céleste. Du coup, on se dit, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de nous refaire le coup qui a déjà été fait sous Sarkozy et sous Hollande ? J'ai des mauvais budgets pendant 3-4 ans, après je fais une super promesse, et puis elle ne sera pas tenue par mes successeurs. Ce qui revient à la question qu'on posait au début de cette émission, alors, Frédéric Judal. Je vais répondre très clairement. D'abord, je vous remercie de reconnaître que depuis 3 ans, le budget du ministère a augmenté. Et je vous remercie de reconnaître aussi que si on regarde ce qui s'est passé sur les 10 années qui ont précédé les 3 dernières années, ça n'a pas été le cas. Sur la question du nombre d'emplois, l'objectif, et vous le savez aussi parce que je sais que vous êtes un fin connaisseur du sujet, c'est que vous le savez, nous sommes dans un creux démographique. Donc nous avons maintenu l'emploi scientifique au-delà de la question des départs à la retraite qui sont les plus faibles et nous sommes au creux de la vague des départs à la retraite, et c'est la réalité. Mais à côté de ça, nous avons aussi fait le choix de soutenir les jeunes qui font la recherche au travers de doctorats et de financement de doctorats. Je crois qu'il ne faut pas toujours voir les choses de manière... Il y a moins de doctorants qu'il y a 3 ans. Il ne faut pas voir... Écoutez, on a recruté 300 doctorants de plus, 200 en 2019, et il y en aura encore 100 qui seront recrutés supplémentaires l'année prochaine. Ne confondez pas le nombre total de doctorants. Et là aussi, vous le savez parfaitement, la diminution drastique du nombre d'étudiants inscrits en doctorat, elle est liée au fait qu'on a limité la durée du doctorat à 5 inscriptions au maximum. Et vous savez très bien qu'un certain nombre de doctorats nécessitent plus que 5 inscriptions. Et donc on a des jeunes qui se désinscrivent et qui se réinscrivent l'année où ils passent leur doctorat. Donc je crois qu'on peut tout faire dire aux chiffres, mais je crois que ce qui est important, là encore, hein, c'est d'expliquer la réalité. Et cette réalité, c'est un travail qui s'est fait depuis les 6 derniers mois avec l'ensemble de la communauté scientifique, pour faire des propositions très concrètes qui seront ancrées dans une loi qui prévoira la programmation financière et donnera à la recherche plus de visibilité dans le temps et dans ses moyens de financement. Dominique Leglue, une question rapide pour conclure. Oui, décidément, Antoine Petit fait beaucoup parler avec son appel à Darwin. Mais moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est qu'il a en ligne de mire, ou en tout cas dans le coin de l'œil, tout ce qui est recherche privée. Or, que nous disait aussi Emmanuel Macron, c'est qu'il y a ici, en France, une déconnexion culturelle entre la recherche et le développement public et la recherche et le développement privé. Comment allez-vous organiser ou aider à organiser ce qu'on pourrait appeler la recherche partenariale ? Frédéric Vidal, pour conclure. Alors, dans les groupes de travail qui ont été constitués, il y avait un groupe de travail spécifique sur cette question. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on a des grands groupes français qui passent des contrats avec des universités américaines, lesquelles universités américaines contactent leurs collègues des universités françaises pour travailler pour les groupes français. Moi, je pense qu'on peut très largement simplifier ce genre de choses. Alors, puisqu'il nous reste 30 secondes, en un mot pour conclure, parce que j'aimerais tout de même qu'on en parle de ce projet, ces CDI de projet qui ont été évoqués par le président pour assurer, dit-il, le continuum entre précaire et le statutaire. On sait que la recherche est déjà très précarisée. L'arme à dégainer, c'est un autre contrat précaire qui s'ajoute au contrat précaire, Frédéric Vidal ? Non, mais là aussi, il faut connaître la réalité du terrain. Et moi, c'est ce que j'entends en permanence. Vous avez des gens que vous pouvez recruter sur la base de fonds qui ne sont pas des fonds publics, qui sont des ressources propres. Vous ne pouvez donc les recruter que sur contrat. Actuellement, c'est sur des CDD, maximum 6 ans. C'est-à-dire que globalement, quand vous avez fini de les former, parce que parfois il faut très longtemps pour les former, vous ne pouvez pas les garder. Ce qui est proposé, c'est que ce soit des CDI, ce qui n'est quand même pas complètement la même chose quand vous allez devant votre banque, un CDD ou un CDI, et qu'on puisse garder ces personnes formées, compétentes, qui apportent tant à la recherche, à minima sur toute la durée du projet. Et si un autre projet s'enchaîne, il continue et il reste en CDI. C'est tout sauf augmenter la précarité. Merci beaucoup Frédéric Vidal d'avoir été avec nous à ce micro pendant une heure pour parler, évoquer bien la situation à mi-mandat et vos projets pour la suite. Merci beaucoup à Sylvestre et à Dominique Leglue d'être venu m'assister pour cet entretien. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. C'était Élise Leu aujourd'hui à la technique. Demain, dernière émission de cette semaine spéciale 2020 et après, nous nous demanderons pourquoi nous n'avons toujours pas trouvé la moindre trace de civilisation extraterrestre, en examinant le paradoxe de Fermi avec, par ailleurs, un journal des sciences spécial rétrospectif de l'année écoulée. Rendez-vous demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.